Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, l'action populaire extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye a publié le 3 un appel au peuple pour l'inviter tout à la 19e veillée à la bougie pan-nationale. La formation a insisté sur la nécessité de faire valoir au maximum l'opinion publique, exigeant la destitution, la détention et la punition de Park Geun-hye pour le confirmer par la bougie, et appeler tous les milieux à s'engager le 4 à la 19e veillée à la bougie pan-nationale pour la détention de Park Geun-hye et le retrait de Fang Yo-han, ayant pour thème « Le Mars sans Park Geun-hye, c'est le vrai printemps ». D'autre part, selon le journal d'internet sud-coréen Jaju Sibo, le Conseil d'actualité nationale des étudiants pour le retrait de Park Geun-hye a tenu le même jour une conférence de presse à Séoul pour exprimer la volonté de se mettre à la tête de la campagne pour la destitution avant de publier l'appel d'actualité sous le titre « Nous saluerons le printemps sans le pouvoir de Park Geun-hye ».